téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. À toutes et à tous, vous avez toujours voulu le savoir, mais vous n'osiez pas le demander. Dans une heure pourtant, vous en saurez davantage sur ce que Yanis Xenakis a apporté à la fois à la musique et à l'architecture. Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et cela se produira grâce à Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Genepin, Aloïs Guérin, Cyril Marchand, Jean-Christophe Francis et Hugo Renard. Goethe disait de l'architecture qu'il s'agissait de musique pétrifiée. Et on ne peut s'empêcher de lui donner raison en regardant le pavillon Philips, créé par l'architecte, ingénieur et compositeur Yanis Xenakis pour l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. À la vue de ce bâtiment, en effet, on croit avoir en face de soi un grand drap soulevé par trois immenses piquets de tentes jusque très haut dans le ciel, comme trois coups d'une musique éclatante projetée dans le silence. Car ce pavillon est l'œuvre d'un homme qui a su, comme personne ou presque, mêler ensemble deux arts, celui de la construction et celui de la musique, ainsi que nous allons le voir dans l'heure qui vient. Quelques notes de la pièce Oméga pour percussion et orchestre par l'ensemble Fa et dirigée par Dominique Mi pour commencer cette émission avec vous, Maki Xenakis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice du livre Yanis Xenakis, un père bouleversant, publié en 2015 chez Actes Sud où il vient d'être réédité. C'est à l'occasion de l'exposition Révolution Xenakis qui se tient jusqu'au 26 juin 2022 au Musée de la Musique à la Philharmonie de Paris. Et dans ce livre, eh bien, vous racontez notamment comment votre père a réussi à contrôler le chaos de ses émotions grâce à l'élaboration d'une musique et d'une architecture nouvelle. Le chaos et les émotions, on a peut-être là deux des grands enjeux de la vie de votre père. Oui, c'est vrai qu'en écrivant ce livre, j'avais un petit peu envie de faire ce que les musicologues n'avaient pas trop l'habitude de faire. C'est-à-dire que j'avais remarqué que depuis sa mort en 2001, qu'il était plus là pour parler, se défendre. Défendre parce qu'il est beaucoup attaqué, c'est ça que vous... Non, se défendre, enfin parler de lui, expliquer sa musique. La plupart des musicologues, des spécialistes, comme on dit, partaient de plus en plus dans des lignes... En le montrant comme un professeur un peu nimbus, mathématicien, musique stochastique, tout ça, et parlait peu de l'homme. Donc je me suis dit, c'est pas bien parce que sa musique, elle reflète aussi ce qu'il a vécu, et cet homme-là, il faut que j'en parle et que je témoigne tant que je suis là, parce que c'est important pour comprendre sa musique. Donc c'est pour ça que ces mots chaos et émotion sont des mots qui vont dans ce sens-là. Mettez un petit peu les pieds dans le plat, quoi. C'est ce que vous faites dans ce livre et c'est ce qu'on va faire aussi avec vous dans l'émission d'aujourd'hui, ouais. Puisque vous allez nous raconter un peu les grandes étapes de sa vie et notamment sa jeunesse. À vos côtés, Pascal Dussapin, bonjour. Bonjour. Vous êtes compositeur de musique contemporaine, vous avez tenu la chaire de création artistique en 2007 au Collège de France et vous avez été donc l'élève de Yanis Xenakis entre 1974 et 1978, c'était à l'université Paris 1 et avec vous on aimerait que vous nous aidiez à comprendre comprendre aussi la musique de ce grand compositeur. Par exemple, petit travail pratique, dans les quelques notes qu'on a entendues en ouverture, c'était très court, c'était Oméga, la dernière pièce de Yanis Xenakis. Qu'est-ce que vous, vous entendez ? Dans sa musique ou dans cette pièce-là en particulier ? Peut-être dans sa musique en général. Ah, moi, ce que j'entends dans sa musique en général, ce que j'ai entendu tout de suite et ce que je continue à entendre aujourd'hui, c'est la vie. Une vie d'une puissance sans limite, hein. Une puissance de régénération aussi tout à fait particulière. C'est une musique qui a eu sur moi très très jeune un impact, je dirais salvateur, parce que je pense que cette musique m'a véritablement sauvé la vie. Sauver la vie, vous avez oui, enfin, oui, parce que je dis quelquefois, si j'avais pas rencontré Xenakis, je serais mort, en tout cas mort à moi-même. Pas mort physiquement, enfin, je pousserais pas le romantisme jusque-là, mais mort à moi-même, oui. Pourquoi vous pouvez expliciter? Parce que j'étais, bon, je suis pas là pour faire ma biographie, mais enfin, j'étais dans des conditions assez pathétiques, enfin, et la présence de cet homme m'a guidé d'une lumière au départ totalement incompréhensible, mais je le dis au sens très positif du terme, enfin très fondateur, c'est-à-dire que cette incompréhension a généré chez moi un désir fou, non seulement de comprendre, mais presque d'y survivre aussi, c'est-à-dire en dépassant la stupéfaction et en la transformant en action, ce qui, je crois, est le propre du grand maître qu'il était. Parce que Xenakis, il aimait pas dire qu'il avait des élèves, il le refusait toujours. Et à mon sujet, il l'a dit une fois. Il a dit que vous étiez son seul élève. Voilà, oui. Alors ça m'a stupéfait à l'époque, évidemment ça m'a touché beaucoup, mais ça m'a aussi stupéfait parce que je l'avais toujours entendu dire le contraire. Et moi j'aime ajouter aujourd'hui une chose que je radote souvent, c'est que Xenakis n'a jamais été mon professeur, mais mon maître, ce qui est tout à fait différent. On va dire un mot là-dessus, Pascal Dussapin, mais Maki Xenakis, ce que vient de dire à l'instant Pascal Dussapin résonne évidemment avec ce que vous avez dit précédemment, parce que la vie de votre père était une vie difficile, on va le raconter, et ça s'entend sans doute dans sa musique, et ça permet à d'autres qui écoutent sa musique et qui cherchent à la comprendre, finalement, d'être sauvés. Mmh. C'est quand même un bel achèvement. Bah oui, oui, mais c'est un peu ça, l'art, en général, quand il est fort et que c'est vraiment de l'art. C'est-à-dire que, oui, la musique de mon père, elle est extrêmement forte. Il y a la vie, il y a la mort, il y a le combat. Puis il y a les mathématiques, il y a les constructions, il y a l'intelligence, mais c'est vrai que voilà, il y a une part d'émotion artistique fantastique, quoi, qu'on ressent dans sa musique et que Pascal et c'est vrai qu'à sa rencontre, c'était pas un homme facile non plus d'accès, mais c'est vrai qu'il était très impressionnant et que quand on le rencontrait, s'il acceptait de vous parler et qu'il vous trouvait un peu intéressant, là, c'était fantastique comme relation qu'on pouvait avoir avec lui. Alors, par exemple, ça s'est pas fait tout de suite hein, avec vous, Pascal Dussapin, quand vous êtes allé à son cours pendant un an ou deux. Je crois qu'il vous a pas tellement adressé la parole ou même pas tellement remarqué, c'est ça ? En fait, c'est moi qui lui ai pas adressé la parole. Parce que moi, ce que je cherchais, c'était justement ne pas parler. Ce qui m'intéressait, c'était entendre, écouter, apprendre. Et je voulais pas de cette dialectique professeur-élève. Ça me mettait trop en danger. Et j'étais comme une sorte de chat un peu sauvage, comme ça. Et moi, ne rien dire, c'était ce que je désirais au plus profond de moi-même. Et c'est vrai que, évidemment, j'ai dû lui parler quand même un peu, mais je ne cherchais pas à avoir une relation, je dirais, exclusive avec lui et d'aller chercher son assentiment ou je voulais pas qu'il me rassure ou des choses comme ça. Moi, je voulais l'écouter. Et c'était une tâche très ardue, hein, parce que c'était pas si simple. Hein. Ça correspondait à son mode d'enseignement, qui était un mode d'enseignement socratique, un petit peu. Oui, il disait les choses. Il disait les choses, il vous emportait là où il voulait vous emporter, avec une quantité de métaphores, presque, oui, socratique, comme ça. Et ça a créé un univers pour moi qui était un enchantement absolu. Et je ne voulais pas le mettre en danger, enfin me mettre en danger, je voulais pas mettre en danger cette extase. Je fais attention aux mots que j'emploie, mais c'est de ça dont il s'agissait. Sa musique avait sur moi un effet cathartique inouï. Il n'y avait pas que cette musique-là, mais celle-là était l'œuvre d'un homme vivant, qui était un homme très doux, parce que Macky a raison, il n'était pas simple. Hein. Enfin, je veux dire, il était très impressionnant physiquement, il était très beau, je trouvais, et puis il était vraiment comme ça, comme une figure invraisemblable. Sur moi, je suis très jeune, hein, j'ai 18 ans, mais il était très doux, il avait une voix très douce, comme ça, il enrobait comme ça, avec cette sonorité, c'était une sonorité pour moi aussi, et tout à fait en paradoxe, en quelque sorte, avec sa musique qui était déchirante, enfin, qui était... oui, c'est le mot. Akis, c'est un diminutif. Xénos, c'est étranger. Akis, c'est un diminutif qui veut dire soit petit, soit gentil, oui. Pas méchant, quoi. Mais c'est pas pareil que doux étrangers, pas méchant. Un étranger, d'habitude, est toujours méchant. On a peur des étrangers, ça, c'est évident. Partout. Dans la légende de Xénakis, il y a toujours en premier cette histoire de l'étranger, le métèque du monde. Oui. Vous sentez vraiment dans cette identité-là ? Oui, c'est curieux. Je suis né en Roumanie, donc dans un pays étranger, même s'il y avait beaucoup de Grecs, qui, depuis toujours, depuis l'Antiquité d'ailleurs. Et puis ensuite, mon père m'a parachuté en Grèce, où je me sentais encore étranger, puisque je n'étais pas né là-bas. Ensuite, je me suis enfui de Grèce, je suis venu en France pour aller aux États-Unis. Je suis resté en France parce que j'avais déjà des attaches plus anciennes avec ce pays. Et ici aussi, je me suis senti comme ça. Quand j'étais aux États-Unis pendant quelques années là aussi, et puis finalement, j'ai dit, bon, on se sent chez soi finalement, là où c'est intéressant, que ce soit ici ou là, ça n'a pas d'importance. Extrait d'un entretien avec Jeanne-Martine Vacher qui date de novembre 1989. Faisons un petit peu avec vous, Macky Xenakis, si vous le voulez bien, la biographie succincte de votre père, dont on ne sait pas exactement, et ça c'est étonnant, quelle est la date de naissance, parce qu'on célèbre son centenaire en 2022, donc on imagine qu'il est né en 1922, c'est pas tout à fait certain. Ben, finalement non, parce que officiellement il laissait dire dans ses biographies qu'il était né en 1922, mais sur ses papiers d'identité, il y avait marqué 21, et c'était un peu une blague à la maison où ma mère se riait, se moquait un petit, voilà, ma mère Françoise Xenakis rigolait un petit peu de ça, et mon père aussi, en fait. Et à la mort de ma mère, quand j'ai vidé l'appartement, j'ai retrouvé deux passeports. Dans un tiroir, il y avait plein de papiers d'identité. Donc le premier, il était fait en Roumanie. C'était une photo avec mon père en tout petit garçon. Et il y avait marqué qu'il était né en 21. Donc je me suis dit, bon, bah c'est bon, maintenant on sait. Et puis, il savait quand même, non ? Il devait bien le savoir, quelle était sa date de naissance. Probablement c'est 21, mais pourquoi c'est pas par coquetterie, pas un an près ? Mais je pense qu'il y a eu des histoires de papier et officiellement c'était 21. Alors peut-être que c'est aussi parce que j'ai retrouvé aussi qu'on montre dans l'exposition à la Cité de la Musique une carte d'inscription aux jeunesses musicales où là, comme il est trop vieux, parce qu'il devait avoir moins de 30 ans, j'imagine, pour s'inscrire, là, il met carrément qu'il est né en 1924. Mmh. Donc je me suis dit, bon, bah oui, c'est pas important. Il s'en fiche. Il est donc né dans une famille en Roumanie parce que votre grand-père était parti s'installer là-bas. Non, c'était les grands-parents. Les grands-parents encore au-dessus. Ses grands-parents à lui, il y avait beaucoup de communautés grecques et juives à l'époque en Roumanie. C'était eux qui faisaient le commerce. Et donc, c'est des familles grecques de commerçants. Et... de minotiers. Oui, voilà. Et donc, mon grand-père, qui était l'aîné de, je ne sais plus combien, 12 frères et sœurs, a dû trouver très vite un travail de minotier. Il a fait des bonnes affaires. Et donc, mon père a eu une vie assez bourgeoise en Roumanie, avec des nurses, une anglaise, une française, une allemande. Qui n'était pas forcément très agréable. Voilà, c'est ça. Il n'a pas gardé un souvenir excellent de cette époque, parce que c'est vrai qu'à l'époque, sa mère, qu'il aimait énormément, qui était très proche de lui, puisqu'il était l'aîné, et que visiblement, elle était proche de lui, elle aimait la musique, elle jouait du piano, elle lui a offert une flûte quand il avait 5 ans. Ce qui a été visiblement très important. Visiblement pour lui. Très important. Elle était mélomane, et probablement, elle est morte en prématurément, comme souvent à cette époque-là, en mettant au monde une petite fille, je sais plus qu'est-ce qu'elle a attrapé, mais bon, elle est morte. Je crois, enfin, c'est, voilà. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Et donc, il s'est retrouvé tout seul, et le père, c'était un homme d'affaires qui voyageait beaucoup, qui était pas du tout paternel, qui savait pas comment s'occuper de ses trois fils, puisqu'il a eu deux frères. Et donc, il y avait ces nurses qui s'occupaient de lui, et ils étaient très seuls, les trois frères. Et même, comme mon père le disait, quand il a eu 10 ans, son père a décidé de l'envoyer dans une école à Spetis pour faire la suite de sa scolarité. Mais probablement que sa mère à lui était également très seule. Il y a une grande différence d'âge entre elle et son mari. Et vous décrivez un foyer à l'atmosphère peut-être un peu morose, peut-être un peu pesante. Et donc, votre grand-mère se réfugiant dans la musique, dans le piano. C'est ça. Il me parlait beaucoup de sa mère, surtout en vieillissant, mais même quand j'étais petite. Il en parlait au départ dans les entretiens assez peu, puis petit à petit, avec le temps, au lieu de, à chaque fois qu'on lui pose des questions dans les années 50, 60, il parle de mathématiques, puis plus le temps passe, plus dans les entretiens, il parle de sa vie personnelle et de sa mère et de la guerre. Et moi, il m'en parlait énormément. Et c'est vrai que c'était une femme, visiblement, d'après les photos, qui était assez, qui avait l'air d'avoir une personnalité forte, mais assez malheureuse, quoi. Et qui donc meurt dans les circonstances que vous avez décrites. Et votre père va beaucoup parler de ce que lui a raconté son propre père au sujet de cette mort et d'un cri. Un cri dont il se souvient. Non, ça c'est mon souvenir à moi. C'est-à-dire que souvent, mon père, quand j'étais petite, me posait cette question, comme s'il se la posait. Il se la posait à lui-même en me disant, mais... un jour, j'étais petit, parce que forcément, il avait 5 ans quand elle est morte. Je jouais à côté d'elle, et elle se coiffait devant le miroir. Et tout d'un coup, donc on était seuls dans la pièce, elle se coiffait devant le miroir. Et tout d'un coup, elle a poussé un cri. Et là, il était à nouveau stupéfait, à nouveau dans la pièce avec sa mère. Et il disait, mais à quoi correspondait ce cri? Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il me regardait comme s'il fallait que je lui donne la réponse. Enfin, pour moi, petite fille, c'était très impressionnant. Et quand j'entends Aïs, une de ses œuvres, je peux pas m'empêcher de me dire, ah, le voilà le cri. Mais sans avoir à nouveau l'explication. Pascal Dussapin, sur ce cri de Aïs, est-ce que vous l'entendez aussi? C'est moi qui fais le rapprochement, je sais pas si c'est ça. De toute manière, même si on le sait bien, Xenakis, c'est en quelque sorte l'époque s'en défendait, parce que Xenakis était dans une posture qui était partagée par beaucoup d'artistes, et je parle pas uniquement de musiciens, mais la question de la vie privée était toujours éludée de façon presque idéologique. En tout cas, moi, je pourrais raconter plein d'histoires aussi à propos de, par exemple, Cendré, c'est une œuvre extraordinaire pour chœur et orchestre, et il nous l'avait fait écouter à l'université sur un magnétophone d'assez mauvaise qualité, je me souviens, et à un moment il y a une voix de haute compte qui joue une partie d'alto et qui fait comme ça un cri qui était incroyablement expressif, quoi, qui est noté, j'ai encore vu la partition il y a quelques jours, et la personne qui fait ça est tout d'un coup investie, mais c'est vraiment comme un souvenir hellénique, enfin de tragédie grecque qui arrive comme ça par-delà les millénaires, et j'étais subjugué par le pouvoir émotionnel de cette voix, et je lui ai posé une question concernant précisément le lyrisme de cette phrase, et il m'a dit ce truc extraordinaire qui à lui seul vaut toutes les confidences, en fait. Il me dit, ah non, ça, l'émotion, ça vient après. Et je dis, après quoi? puisque c'est là, n'est-ce pas? Et donc j'ai compris qu'en fait, pour lui, le discours était un bouclier à précisément l'émotion. Et quand il m'a dit aussi un jour, comme ça en plaisantant, presque en plaisantant, qu'il voulait retrouver le son de la balle qui lui avait perforé le visage en Grèce. On va raconter aussi. Les choses sont claires. Enfin, il s'agit d'une réitération permanente après de cette. Sa musique est comme une réitération de ce choc. Enfin, si j'ose dire primal, quoi. En tout cas, en ce qui concerne l'édification des émotions. Et Xenakis était pensé aussi par l'époque et il fallait tout était structure, tout était doxa, idéologie, discours, et donc il fallait pousser ça loin. Et sans doute après, une chose légitime, que tout simplement il était très pudique. En tout cas, c'est vrai que l'émotion, ça semble vraiment au cœur à la fois de notre discussion et puis de la biographie que vous avez fait, Maki Xenakis, de votre père dont vous racontez. Donc enfant, il est envoyé en pension, ça se passe pas très très bien, il est moqué pour son accent, et vous dites qu'il est épris d'absolu, déjà, et ça c'est quelque chose qui semble le caractériser beaucoup. Oui, d'après ce qu'il dit par rapport à cette époque, c'est que comme il se retrouve à nouveau seul d'une autre manière, donc en Grèce, donc à nouveau considéré comme un étranger, puisqu'il était né en Roumanie, avec un accent dont tout le monde se moquait, et seul, alors là, il n'y avait plus de nurse, il n'y avait plus de grand-mère, il n'y avait plus de tante, il n'y avait plus de famille. Petit à petit, c'est là, en fait, qu'il s'est construit en s'intéressant à la philosophie, à la musique. Il y avait un professeur de musique qui jouait aussi le soir la cinquième symphonie de Beethoven qui résonnait dans tout le pensionnat, qui a beaucoup impressionné mon père. Donc là, tout d'un coup, il s'est passionné pour l'antiquité grecque, pour la philosophie grecque, et c'est comme ça qu'il s'est constitué son univers. Et qu'il est devenu le premier de sa classe dans ces matières-là. Voilà. Et s'est vraiment réfugié dans ces matières-là. Il s'est réfugié, voilà, dans les études. J'ai plongé dans ma jeunesse, dans la Grèce antique, parce que je l'ai découvert tout seul d'ailleurs, presque sans aucune aide, en voyant et en lisant. Et ça a été donc une formation. C'est comme, je me souviens très bien, à cette époque-là, je ne vivais pas dans mon temps. J'avais une nostalgie pour le siècle d'or de Périclès, et j'étais désespéré de ne pas d'être arrivé trop tard. En ce temps-là, c'était à quel âge? Très très jeune ou déjà adolescent ou... J'avais 15-16 ans. Et c'est comme ça que j'ai pu former petit à petit tout un environnement, factice d'ailleurs, formé de faits de philosophie antique, de bataille, de sculpture, de façon de vivre. Je vivais dans une autre époque. C'était le rêve. Une réalité. Entretien avec Claude Samuel et Sylvie de Nussac en décembre 1976 dans les matinées de France Culture. C'est donc là que ça commence, Maki Xenakis, le rapport non seulement à la Grèce antique mais aussi aux mathématiques. Bah oui, parce que dans l'antiquité grecque tout était lié. Les mathématiques, les sciences, l'art, l'astronomie, le théâtre, tout était lié. Et c'est pour ça qu'il disait « je suis né 25 siècles trop tard ». Et comme il le dit là, on sent bien que c'était pas une boutade, c'était un refuge. Qu'est-ce qu'il regrettait tellement qu'il aurait souhaité vivre de l'antiquité grecque? Quelque part, il n'avait pas tort, hein, parce que c'était quand même fantastique de pouvoir mêler à la fois les mathématiques, les sciences, l'art, la musique, l'architecture, la sculpture, l'astronomie. C'est fantastique, ce serait bien aujourd'hui qu'on fasse un peu ça. Il y a une photo d'ailleurs où on voit votre père qui imite une statue grecque en train de jeter enfin, c'est un sportif, quoi, c'est un athlète. C'est d'après la sculpture qui est en Grèce de Zeus qui tend le bras et qui... Alors on ne sait plus maintenant si c'est Zeus ou Apollon, mais à l'époque on disait que c'était Zeus, qui lance une flèche et qui est un très bel homme, très viril et très beau. Donc il imite ça en me portant sur son épaule. Oui, oui, il était dans la mythologie grecque en permanence. Pascal du Sapin. C'est aussi l'époque, quand il est jeune, où il apprend des rudiments de musique. Et pourtant, il dira toujours que le solfège, c'est pas ce qui compte le plus. C'est pas le plus important, l'apprentissage de la musique. La musique, c'est autre chose. La musique, c'est d'abord un désir. C'est une passion, c'est un mouvement. Le solfège, c'est un des moyens, après, de réguler la question, si tant est qu'on en ait besoin pour... édifier son propre travail. Il ne faut pas oublier que la question de l'écriture musicale, c'est quelques pourcents de l'expression musicale du monde. Hein. Je crois que c'est un peu stupide de quantifier, mais je crois que c'est 4-5%. Enfin, le reste se passe de solfège. Hein. Mais en revanche, l'art tel qu'il est, disons, conçu et entendu, je parle au sens philosophique, en Occident et même en Grèce, passe par l'écriture. Et donc, il faut advenir à la musique par l'écriture. Alors après, que Xenakis ait eu une relation au solfège, en fait, j'en sais rien. Quelle était sa relation au solfège Mais est-ce qu'on peut parler de lui comme d'un autodidacte en matière de musique ou Mais pas tout grand créateur est autodidacte. Moi, souvent, on me présente comme un autodidacte, en fait. Ça ne veut pas dire que je suis un grand créateur, mais souvent, c'est l'effet grandes écoles françaises, quoi, vous voyez. Un écrivain, on lui demande jamais où il a appris à écrire, quoi. Un compositeur, il faut toujours qu'il montre, je sais pas, son curriculum. Enfin, c'est parce que Pierre Boulez, par exemple, avait tendance peut-être à regarder Yanis Xenakis comme quelqu'un qui n'avait pas toute la technique musicale que lui avait emmagasinée. Oui, mais on a dit ça aussi de tellement d'autres. Enfin, on disait ça de Charles Ives aussi, qui est un des plus grands créateurs du XXe siècle. Enfin, on disait ça même de Luigi Nono. On disait ça. C'est l'effet grandes écoles, une fois de plus. C'est l'effet de classe, quoi. Alors après, que Boulez avait effectivement un niveau technique stupéfiant, personne ne le conteste. Mais c'est en aucun cas le moyen de déterminer la valeur d'un artiste. Il n'y a qu'à regarder dans les autres arts. Il y a des très, très grands peintres, des très grands... Mais à l'inverse, ça peut justement créer quelque chose d'autre. Ça peut créer une musique qui sort des carcans. C'était quand même exactement ce qu'a fait Yanis Xenakis, qui a fait une musique qui avait été jusque-là assez inentendue. Mais ce qui est merveilleux chez Xenakis, c'est que c'est l'autre rive. On ne peut pas l'insérer. Quand tout discours sur Xenakis, je dirais... prenant comme axe l'histoire de l'Europe musicale, fait une erreur totale. Si vous voulez mettre Xenakis après Mahler, Schoenberg, je sais pas, Varèse, Webern, Boulez, Stockhausen, tout ça, ça marche pas. Xenakis, il vient de l'autre côté. Il vient de l'autre rive. C'est-à-dire, de quelle rive? Mais il vient de la rive méditerranéenne. Il est une autre culture. Une autre culture. Il est transporté par une autre histoire en plus. Qui fonde l'histoire européenne, comme on sait. Mais il est dans une antériorité. Dès qu'il arrive, il est déjà avant. Et il ne va pas créer sa musique sur les canons des schémas de pensée qui sont ceux de la musique occidentale. Mais est-ce qu'il crée sa musique sur une tradition musicale ou est-ce qu'il crée sa musique finalement sur autre chose, c'est-à-dire une tradition antique, une tradition de pensée. Qui va au-delà de la musique, de la simple musique. Une tradition de pensée, il est dans une intellectualité qui est autre. Maki Xenakis. Je pense que sa référence, c'était d'abord au niveau des études, il a quand même, Aspetis a eu un professeur de musique qui l'a beaucoup fait rentrer dans l'amour pour la musique. Quand il est arrivé à Athènes, il y a eu la guerre, la résistance, mais il a quand même suivi des cours avec un professeur de musique. Là, il a appris le solfège. Et puis, il s'est ouvert à d'autres musiques qu'il n'avait pas entendues en Roumanie ni en pensionnat. Et arrivé en France, là, il a découvert toute la musique de l'époque. Mais ce qu'il disait aussi, c'est que finalement, ce que moi je voyais, enfin ce qui l'intéressait, c'était les musiques indiennes, les musiques archaïques, les musiques des continents asiatiques, indo-européens, qui venaient de l'Antiquité. Donc à nouveau, c'était pour retrouver ce qu'il aurait pu y avoir dans l'Antiquité grecque. Et l'archaïsme, c'était très important pour lui. Il détestait toutes ces musiques romantiques, ou alors qu'il était romantique lui-même, mais peu importe. Mais toute sa musique de son époque, ce qui comptait, c'était faire table rase de tout ce qu'il fallait faire, mais aussi retrouver l'authenticité d'une musique archaïque comme le théâtre no qu'il adorait, la musique japonaise, mais toujours dans sa discothèque par exemple, c'est essentiellement des œuvres de musique extra-européenne. Donc c'était ça sa référence première. On va reprendre un petit peu le fil biographique. Votre père avait passé en octobre 40 le concours d'entrée à l'école polytechnique, mais évidemment ça correspond avec le début de la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Donc il a été résistant. Quelle est la chronologie à ce moment-là pendant ces 4-5 années de guerre? Donc il arrive à Athènes pour entrer à Polytechnique. Et puis la guerre éclate très vite, donc Polytechnique il devient à la fois un haut lieu de résistance communiste auquel il participe, et elle ouvre et elle ferme en fonction des moments de la guerre, quoi. Donc il ne peut pas suivre complètement, régulièrement, bien entendu, ses études. Donc il les poursuivra donc entre 40 et 47 comme ça, par petits bouts, jusqu'à réussir à avoir son diplôme et partir. Parce qu'il se destine là vraiment à être ingénieur, il n'y a pas de doute dans son esprit. Il veut faire de la musique et il veut faire des mathématiques. Et Polytechnique, c'était bien parce qu'il pouvait faire des mathématiques. Et ça, c'était aussi une de ses passions. Et la musique, donc, il la faisait, comme je disais, avec des cours privés quand il pouvait, entre deux coups de canon, voilà. Donc après, il y a eu la résistance. Donc la Grèce a d'abord été envahie par Mussolini, puis par les nazis, et il est rentré très vite en résistance avec certains mouvements différents, puis après avec le communisme, et il dirigeait un groupe de résistance communiste, et il faisait part de manière très active, il était en première ligne, et il y a des photos d'ailleurs qu'on a retrouvées dans certaines archives où on le voit aux premières lignes des manifestations, et c'est là qu'en 1945, donc, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des moments terribles avec l'actualité d'aujourd'hui, on peut comprendre autrement ce qu'il a pu vivre. C'est-à-dire que après que la guerre soit finie, en 45, finalement, il y a les accords secrets de Yalta entre Churchill et Staline. Et Staline, qui sait que la Grèce a résisté aux nazis grâce aux communistes, mais donne quelque part les communistes la Grèce à Churchill. Et donc, comme dit mon père, les Anglais sont arrivés comme des sauveurs, on les a accueillis les bras ouverts, mais tout de suite, ils nous ont demandé de déposer les armes et d'être à leur merci. Donc, ça a été la guerre civile. Et c'est là, en fait, qu'il y a eu encore plus de morts, enfin, autant de morts, ou peut-être plus, enfin, je sais pas, on va pas compter. Mais la guerre a continué en Grèce, et c'est comme ça qu'il a reçu un éclat d'obus. Qui l'aveugle partiellement. Qui lui fait perdre un œil et la moitié du visage en 46. Son père le trouve au milieu d'un cadavre. C'est lui qui le sauve. Oui, son père le sauve. Il est passé pour mort, mais il le retrouve grâce à une tennis dans le tas d'un tas de cadavres. Il le met dans un hôpital et il reste je ne sais pas combien de mois. Et après, il se cache jusqu'à ce que son père réussisse à le faire évader avec un faux passeport très mal fait en 47 dans la soute d'un bateau. En Grèce, j'étais très frappé par les sons qu'une foule de manifestants de plusieurs centaines de milliers de personnes créé avec les slogans qui étaient rythmés d'une manière très rigoureuse. Et ce rythme-là se propageant de la tête à la queue de la manifestation qui avançait vers un but central au milieu de la ville où l'ennemi attendait avec les chars, avec les mitrailleuses. Et alors une fois le contact établi, les mitrailleuses se mettaient à crépiter, les chars avançaient, il y avait des tués, des morts, et ce slogan s'éparpillait en centaines de milliers de voix, c'était une amplification dans le chaos de cette transformation qui emplissait toute la ville. Alors bien sûr, c'était mélangé avec la peur, avec la détermination de la résistance, mais les règles de ces transformations sonores ont resté dans mes mémoires pendant longtemps. Et il n'y avait pas moyen, pour moi c'était un phénomène musical. entretien avec Alain Bosquet du 19 mai 1970. C'est une histoire que vous connaissez particulièrement bien. Vous l'avez entendu plusieurs fois. Peut-être Yanis Xenakis l'a raconté lui-même. Oui, il l'a raconté. Je l'ai souvent entendu raconter cette histoire. Il associait ça aux phénomènes naturels après, comme la pluie, la grêle, les événements météorologique de façon générale, et on voit bien là au fond de quel romantisme cela relève. Enfin, si on peut me passer cette expression là concernant évidemment des faits de guerre qui sont pas tout à fait lyriques évidemment, mais on voit bien que il est dans une expression très essentielle et très très privée et oui, encore une fois, très romantique, parce que il a pas un point de vue de statisticien là, il a un point de vue de presque de poète. Enfin, et j'aime quand il dit ça parce qu'il se découvre vraiment, quoi. On voit la source véritablement de son inspiration. Il va la chercher dans un phénomène terrible et extraordinairement émotionnel, quoi. Donc dans l'après-guerre, Maki Xenakis, votre père, est fait plusieurs fois prisonnier dans des camps militaires. Il entre en clandestinité, il est même condamné à mort par contumace. Il décide de quitter la Grèce pour la France. D'ailleurs, il n'y retournera qu'en 1974. Et là, c'est la découverte quand même d'un pays qu'il connaît déjà un petit peu, mais évidemment beaucoup moins, et d'une une culture qu'il va aussi adopter, et notamment à travers la rencontre de Le Corbusier. Comment ça se fait, ce passage en France? Oh ben, en fait, il est parti, il arrive avec rien comme bagage, rien, à part ce faux passeport mal fait, et son diplôme d'ingénieur qu'il venait de récupérer. C'est comme ça c'est pour ça qu'il est parti à ce moment-là, en fait. Il fallait qu'il ait son diplôme pour pouvoir partir, pour avoir un job. Et c'est Georges Candilis, qui était un camarade de résistance, qui travaillait chez Le Corbusier, Il n'avait pas entendu parler de Le Corbusier jusqu'à là. Ah non, là, pas du père. Tout. Qui lui dit, il y a un architecte, qui lui parle même pas à Le Corbusier, qui lui dit, il y a un architecte à Paris qui cherche un ingénieur, vas-y, comme ça tu vas trouver du boulot. Et mon père connaissait pas du tout Le Corbusier, et donc il y va pour bosser, puisqu'il fallait qu'il gagne sa vie. Et là, il découvre Le Corbusier, et il racontait qu'il connaissait rien de l'architecture moderne, et qu'il y a eu une sorte de rencontre première déjà, fantastique, avec Le Corbusier, où finalement, même s'il était embauché comme ingénieur à calculer les ponts ou les forces de résistance, il a découvert une sorte de proximité intellectuelle avec Le Corbusier, qui s'intéressait à l'Antiquité grecque, au nombre d'or, et qui était dans la modernité absolue. Qui était passionné par le Parthénon. Qui était passionné par le Parthénon. Donc ils ont retrouvé comme ça une sorte de complicité. Et donc mon père raconte qu'au bout d'un moment, parallèlement, il s'est mis à faire de plus en plus de musique, mais en fait, il travaillait toute la journée chez Le Corbusier comme ingénieur, et le soir, quand il rentrait, il faisait sa musique la nuit. Donc il était aussi au conservatoire, il prenait... Il a essayé de rentrer au conservatoire, mais il s'est fait jeter par Honegger, Millau. J'ai retrouvé d'ailleurs récemment des partitions de jeunesse de quand il avait 49, 48, où c'est les partitions de jeunesse qui montrent à Honegger et à Millau. Et c'est là qu'on voit son caractère, parce que il est humilié, parce que ils lui disent c'est pas de la musique, on peut pas te prendre, et il note les phrases de Millau et de ça c'est pas de la musique, ah enfin un accord, ah non ça va pas du tout, et il raconte, il note à chaque note de c'est assez touchant. Et donc il y a que Messiaen qui l'accepte en lui disant restez ce que vous êtes et suivez mes cours. Alors comment se passe ce dialogue entre l'architecture et la musique? C'est évidemment pas n'importe quelle architecture, c'est l'architecture du béton brut de Le Corbusier, qui rappelle un petit peu la musique épurée que vous avez décrite l'un et l'autre, qui était déjà sans doute l'aspiration de votre père, Maki Xenakis. Déjà, quand on calcule des ponts, il y a les mathématiques. Et Le Corbusier était très intéressé par le nombre d'or, les rythmes du nombre d'or pour faire les façades. Donc, et puis les paralléloïdes hyperboliques que mon père avait aussi étudié à Polytechnique. et qu'il réutilise pour ses partitions les formes de ces formes que je montre à la fin de la postface de mon livre, où j'ai rajouté ça en retrouvant des documents récemment, où on voit qu'il reprend ses formes sur du papier millimétré de construction, comme ça, de, c'est plus un calcul de béton armé, de force de pont, mais il utilise ce schéma-là et cette structure mathématique pour écrire sa partition graphique de Métastasis, qui est une de ses premières œuvres emblématiques xénakiennes. C'est une musique mathématique, la musique de Xenakis, Pascal Dussapin ? Pour moi, pas du tout. Mais pour lui ? Non, mais Xenakis, d'abord, dans l'exemple évidemment très célèbre que vient de nous donner Maki, en fait, il effectue un transfert de modèle. Hein, c'est-à-dire qu'il va chercher dans l'architecture une inspiration qui va transporter sur le domaine de la musique. L'erreur qui est souvent faite, c'est de penser qu'il y a symétrie de forme et symétrie de pensée, voire de résultat. Or, c'est pas du tout le cas. Quand vous écoutez Métastasis, vous pensez pas du tout au paraboloïde hyperbolique, vous ne voyez, vous pouvez évidemment on y pense rarement, entendre ce que vous voulez, naturellement, et imager dans votre cerveau ce que vous voulez, comme chacun a évidemment le droit élémentaire de ça, mais en aucun cas, il y a une preuve d'un événement par un autre. Et simplement, il va trouver le moyen de constituer cet univers autre, parce qu'il comprend, sans doute par devers lui, qu'il n'est pas le dépositaire de la tradition de d'Honegger, par exemple, pour qui j'ai aucun mépris, mais je veux dire qu'on se demande ce que Xenakis va faire chez Honegger, franchement. On peut faire un parallèle, peut-être, entre la pensée architecturale de Le Corbusier, qui consiste, pour le dire grossièrement, à retrouver les formes élémentaires et à se débarrasser de tout ce qui est un petit peu fioriture dans un immeuble, avec la musique de Xenakis, dont on dit que c'est une espèce de sculpture de son. Est-ce que vous pourriez souscrire à ça pour qu'on essaie de comprendre un petit peu la logique? Alors, ce qui relève de la relation entre Le Corbusier et Xenakis n'est en aucun cas, je dirais, une assimilation de techniques. Enfin, Le Corbusier, effectivement, il lave, comme font beaucoup d'artistes de cette époque-là, les formes anciennes, il les appure. Enfin, je sais pas, pensons à Charlotte Perriand, par exemple, dans un tout autre domaine. Enfin, qui a également travaillé au voilà, cabinet de qui a travaillé avec Le Corbusier. Donc, ils sont dans un dégraissage généralisé, comme ça. C'est très, très frappant. Et dans le domaine de la peinture aussi. Enfin bon. Mais, je dirais que la ressemblance entre les deux, si tant est qu'il y en ait une, s'arrête là. Parce que Xenakis, il va travailler avec des matériaux tellement bruts, de façon tellement brutale, tellement essentielle. Ce qui est fascinant chez Xenakis, par exemple, c'est que, au niveau instrumental, par exemple, toute sa vie, il va rester sur une ambition concernant l'orchestre. C'est comme, je veux dire un truc fou, c'est comme s'il apprenait jamais rien. Il garde son idée originelle et il l'a bâti minute après minute pendant toute sa vie et il ne se laissa jamais entre guillemets corrompre par la technicité, par l'usage poli, par l'académisme. C'est comme s'il apprenait jamais rien de ce qu'il faut polisser dans sa musique pour la rendre d'un commerce plus agréable. Non, il reste dans comme si un architecte restait dans le béton brut tout le temps. C'est un petit peu le cas quand même de Le Corbusier par exemple avec le couvent de la Tourette qui est en béton brut et sur lequel a travaillé votre père Maki Xenakis. Oui, oui, bah c'est vrai quand on voit la forme du couvent de la Tourette, c'est perpendiculaire, quoi, c'est pas extraordinaire, mais c'est vrai qu'au niveau de tout des façades de lumière, des couloirs, des jeux de lumière, il a fait aussi les puits de lumière, les canons de lumière, tout le dessin de la chapelle, qui est assez incroyable. Et c'est vrai quand on rentre dans ce bâtiment, on est vraiment dans un univers très xénakien et il vous a emmené là-bas ? Vous l'avez visité avec lui ? Ah non. D'ailleurs, lui, il y est allé la première fois pour l'inauguration, alors qu'il s'était fait virer par Le Corbusier. Oui, parce qu'après, ça se passe pas si bien. Voilà, Le Corbusier veut avoir tous les lauriers. Voilà, c'est ça. Ça, c'était un travers. Mais il n'y avait pas que Le Corbusier. Tous les architectes faisaient ça, quoi. Ils mettaient que leur nom et ils oubliaient ceux qui avaient bossé pour eux. Mais mon père, qui était un résistant, comme on a bien compris, ça lui plaisait pas du tout. Et il a dit, mais non, tu mets mon nom. Et donc, ils sont un peu battus. Le Corbusier a accepté au moment de l'inauguration du pavillon Philips. Puis après, il l'a re-enlevé. Et donc, comme mon père insistait lourdement en disant que ça se faisait pas, il s'est fait virer, quoi. Même si la Fondation Le Corbusier n'aime pas que je dise qu'il s'est fait virer. Bon, c'est une lettre de remerciement, voilà. Mmh. En tous les cas, lui a permis de se consacrer davantage à la musique. Voilà. Donc, et puis, c'est vrai que ça lui a donné quand même un outil fantastique de réflexion et de libération, de liberté, de jeu entre tous ces éléments, ces outils, comme il disait, de mathématiques, qu'il pouvait utiliser pour sa musique, qu'il pouvait utiliser aussi pour son architecture. Mais comme il le disait lui-même, c'est un outil. Et donc, si le résultat ne me plaît pas, je change la formule mathématique. Je suis pas au service des mathématiques. Donc, Messiaen, on l'a compris, c'est le seul qui a bien voulu entendre au fond la musique de votre père et qui lui a dit peut-être qu'il comprenait pas exactement de quoi il était exactement question, mais enfin il lui a dit bien sûr, va dans restez, cette direction-là. Restez ce que vous êtes. Oui, si vous voyez, voilà. Ouais. Comment ça s'est passé? C'est ça, mon père était quand même très désespéré, on le voit dans ses carnets, puisqu'il raconte, c'est un peu un journal. Ça y est, j'ai vu Le Corbusier, il m'a dit de rester qui j'étais, de Messiaen, oui, pas Le Corbusier. Et puis aussi, Messiaen lui propose de suivre en auditeur libre ses cours, et donc mon père commence à suivre, et c'est ça qui est intéressant, ce qu'on montre aussi dans l'expo, c'est que on sent que c'est l'ouverture, quoi, entre 51, 52, 53, tout d'un coup, sa musique est très bartokienne, très classique, très qui est encore de son enfance. Tout d'un coup, elle prend des allures de plus en plus fortes. Et avec Zia, il lui montre la partition de Zia, qui est une œuvre pour voix et piano. Et alors que nous, quand on l'écoute, on se dit c'est encore très classique quand même. Mais si on lui dit, mais c'est fantastique les progrès que vous avez faits, mais comment vous avez fait, mais c'est extraordinaire, bravo. Et mon père dit, il me fait des compliments sur Zia, et ça y est, je me sens presque un homme à nouveau parce que je suis d'accord avec lui. Alors c'est pas Zia qu'on va écouter très brièvement, mais pour se remettre un peu dans l'oreille la musique de votre père, quelques notes de Nomos Gamma. Extrait de Nomos Gamma, enregistré en avril 1969 par l'Orchestre Philharmonique de l'ORTF, dirigé alors par Charles Bruck. Une pièce qui vous a particulièrement marqué, hein, je crois, Pascal Dussapin. Pourquoi? En fait, j'ai souvent raconté cette histoire, mais j'adore la raconter. Quand il est arrivé avec Nomos Gamma, il y avait une sorte de protocole d'analyse stochastique autour de la loi de Poisson, je ne sais pas, des chaînes de Markov, des choses comme ça. Et en fait, si vous vous souvenez, au début, on entend un hautbois suivi d'une déflagration de percussions. Et à la fin du cours, je lui demande quel est comment il a organisé ça, quoi. Enfin, de quel ordre supérieur cela relève-t-il, quoi. Et il me répond ce truc extraordinaire. Il me répond, ça, c'est arbitraire. C'est-à-dire qu'en fait, je viens de comprendre qu'on peut faire comme on veut. C'est vraiment la leçon de Messiaen. Oui, intégré. Non, mais c'est-à-dire, il vient de me dire, Voilà, ça c'est arbitraire. Et l'erreur qu'on fait souvent avec Xenakis, c'est de penser que tout chez lui est coordonné par cette art-science de métamusique, alors que c'est la poésie qui prédomine au fond. Oui, oui, oui. Il le disait lui-même aussi. Il disait par exemple la plus haute forme de la poésie est la mathématique. Ouais. Donc ça, par exemple, ce qu'on vient d'entendre, c'est pour un grand orchestre de 98 musiciens, et les musiciens étaient répartis dans le public. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très spécifique à la musique et aux compositions de votre père. Il voulait révolutionner le monde entier, et comme il le disait, j'ai arrêté de faire de la politique parce que c'est un échec, mais je vais changer le monde avec la musique. Et donc, il voulait changer les salles de concert avec l'architecture pour que le spectateur se retrouve au milieu des musiciens. Pour la rendre plus démocratique, cette salle de concert? À la fois pour la rendre plus démocratique, mais aussi parce qu'il disait, quand on est dans la nature, on est au milieu des sons. Quand on est au milieu d'une tempête, d'un orage ou des chants des oiseaux, on est au milieu. Et donc il faut la musique l'entendre. C'est pour ça aussi qu'il a fait les polytopes, où là non seulement on était dans l'espace sonore multipiste du son, mais aussi visuel avec tous les flashs. Oui, c'est important de raconter ça aussi, toute l'importance de la musique. C'est aussi important de raconter que c'était des spectacles son et lumière, bien souvent. C'était des spectacles son et lumière. Il voulait qu'on soit complètement immergé dans le son et avec les polytopes dans la lumière, quoi. Donc des stroboscopes, des rayons laser, des flashs, et puis... Voilà, c'était le cosmos à nouveau. Il y a quelque chose comme un rapport au travail qui transparaît beaucoup dans votre livre, le rapport au travail de votre père, qui semblait considérer qu'au fond, une vie réussie, une vie bonne, c'était une vie où on s'était créé par le travail. Est-ce que c'est juste de le dire ? Il travaillait tout le temps. Et là, quand je suis dans ses archives, c'est fou, quoi. Il va falloir plusieurs vies pour réussir à tout numériser. Mmh. Je sais pas comment il a fait, parce que c'est énorme le travail. Moi, j'ai le souvenir de lui toujours écrivant des notes, des dessins, des partitions, toujours en train de faire quelque chose et de réfléchir à quelque chose, mais c'est frappant, quoi. Et il faut dire que quand Mitterrand l'appelait, pas directement, pour lui demander de passer déjeuner à l'Élysée, bon, ça n'arrivait pas tous les jours. Ouais. Votre père, il avait autre chose à faire, et il répondait non. Oui, il disait, non, je peux pas, parce que je déjeune pas, moi, je travaille. Est-ce qu'il est beaucoup joué aujourd'hui, Pascal Dussapin, Yanis Xenakis? Qu'est-ce que en pensent les musiciens? Parce qu'il y a eu des musiciens qui ont refusé de le jouer, même à l'époque de son vivant, parce qu'ils considéraient que c'était pas de la musique comme il fallait en donner. Qu'en est-il? Bon, moi, je suis pas programmateur. Je sais que de toute manière, sa musique n'est pas assez jouée par définition, je veux dire, comme je dirais toute musique vivante, mais son aura ne fait que grandir en revanche, quoi. Enfin, et à cet égard, la situation est un peu différente en France ou dans certains pays européens, mais je sais qu'en Allemagne, par exemple, il a une vraie place. Alors, j'irai pas jusqu'à dire dans le répertoire, parce que on préférera toujours jouer une symphonie de Brahms à la place d'un Xenakis. Mais enfin, il est présent dans l'underground, je dirais, intellectuel des musiciens et des compositeurs aujourd'hui. Peut-être un peu plus qu'en France, qui est... Encore que, il faut pas accuser nécessairement notre pays de pas y penser. Il y a l'exposition, on voit justement, bien à la Philharmonie. On lui rend un hommage assez considérable. Et je me souviens, par exemple, que Xenakis, par exemple, pour ses 60 ans, il avait eu une année de fête extraordinaire dans tout le pays. Chaque orchestre du pays avait joué une œuvre de Xenakis. Et c'était très impressionnant. Alors il a une place très très particulière dans l'histoire de la musique. Il n'a pas une place très conventionnelle. Il est à côté de l'histoire tout en étant l'histoire lui-même à lui tout seul, quoi. Donc c'est merveilleux. Et donc ça, moi je suis pas inquiet pour ça. Je pense que il y a quelque chose de très radieux dans cette œuvre qui ne fera que grandir. Maki Xenakis, qu'est-ce qu'il faudrait retenir aujourd'hui de votre père? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de lui? Ou qu'est-ce qu'il aurait aimé, lui, qu'on retienne de lui-même? Oh, ça, je sais pas ce qui est... je peux pas me permettre de parler à sa place. Mais non, je pense que c'est vrai que là, par exemple, au niveau des œuvres pour percussion, par exemple, il y a toute une nouvelle génération d'interprètes pour percussion qui s'emparent de ces œuvres pour percussion. Et c'est vrai que c'est extraordinaire de les voir jouer. Parce que à l'époque, les musiciens disaient c'est très difficile à jouer ce que tu nous écris. Et aujourd'hui, les jeunes, ils s'en emparent, ils n'ont plus peur. Ça, c'est fantastique. Voilà, n'ayez pas peur, c'est vraiment la phrase qui reviendra dans cette émission. Merci beaucoup à vous deux, Maki Xenakis et Pascal Dussapin. Émission qui ne serait pas complète sans votre pièce jointe, Romain de Bec de Lièvre. Bonjour. Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Le 4 juillet 1986, dans la petite ville de Middelbourg, située dans l'ouest des Pays-Bas, deux monuments de la musique contemporaine sont enfermés ensemble dans une seule et même pièce. L'un possède une carrure imposante, les cheveux bruns plaqués en arrière et des lunettes au vert épais comme une vitre pare-balles. Au contraire, la silhouette de l'autre compositeur paraît très fine, auréolée de cheveux gris et prise dans une chemise légère et rayée. L'un fume d'épaisses cigarettes blanches, l'autre fume de très longs et très fins cigarillos noirs. L'un est à gauche de la table, l'autre à droite. Ceci n'est pas la description d'un nouveau couple à la Laurel et Hardy, car à gauche de la table, on trouve Morton Feldman, compositeur new-yorkais, âgé en ce 4 juillet 1986 d'une soixantaine d'années. Il est alors l'auteur d'une foule d'œuvres musicales, dont un trio qui vient d'être joué la veille. Il enseigne par ailleurs à l'université de Buffalo. L'autre, c'est le musicien Yanis Xenakis, 64 ans, il enseigne lui aussi, mais à la Sorbonne. Tous deux vont converser pendant plus d'une heure. Ils parleront de composition, de notes basses, d'inspiration, de critères de l'ennui, de vibrato, de glissando et de plantes qui poussent. Tour à tour, les deux hommes se respectent, se craignent peut-être aussi et s'épient quelque peu. La discussion commence comme ça et c'est Morton Feldman qui l'ouvre. Hier soir, Xenakis est venu chez moi. Il a dit quelques mots, et j'ai commencé à me sentir presque obligé de me justifier à propos de mon œuvre. Le trio jouait le 3 juillet 1986. C'était peut-être un peu trop philosophique, mais ainsi il m'a dit « Vous n'êtes pas obligé de parler ». Puis il est parti. Puis c'est Yanis Xenakis qui lui répond. J'ai dit hier à Feldman combien j'avais aimé sa pièce, que je l'ai trouvée fascinante. Mais ensuite, il m'a interrompu et m'a dit « Il faut que j'explique avec des concepts philosophiques ce que je voulais exprimer avec cette musique. » J'ai répliqué « Ce n'est pas nécessaire. » Parfois, je pense que les compositeurs discourent trop. Il n'y a que la musique et voilà ce qui est significatif. La discussion entre les deux musiciens commence par des silences appuyés avant de s'engager franchement. Elle oscillera entre la bonhomie, une certaine méfiance, la passion pour la composition et un humour presque omniprésent. Les compositeurs parlent trop, dit Xenakis au début de cette discussion, ou plutôt de ce flux de paroles dont l'enregistrement vidéo dure plus d'une heure. En rhétorique, on appelle cela une prétérition, la figure qui consiste à ne pas se tenir au programme que l'on annonce. Les compositeurs parlent trop, peut-être lorsqu'ils parlent seuls, car quand ils sont deux et qu'ils discutent, des éclairs, des pensées et des rires peuvent naître. Toute la discussion de Morton Feldman et Yanis Xenakis est disponible en ligne et elle vaut le coup d'œil. Merci Romain de Bec de Lièvre. Cette chronique, elle est à retrouver évidemment sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était Sans oser le demander, aujourd'hui consacré au compositeur Yanis Xenakis, à qui le Musée de la Musique à Paris consacre une exposition. C'est jusqu'au 26 juin 2022. Pour aller plus loin, je conseille la lecture du livre Yanis Xenakis, un père bouleversant, ainsi que le numéro spécial de Transfuge consacré à ce compositeur et dans lequel vous intervenez d'ailleurs Pascal Dussapin.